Cette route a double sens de circulation, la vitesse est limitée à 90 km/h. J'ai bien noté que personne n'arrive sur cette petite route à gauche, que la ligne mixte dont les pointillés sont de mon côté m'autorise à dépasser et que personne n'a entrepris de me dépasser. La visibilité est excellente, la route est dégagée, je peux dépasser cette voiture. Réponse A.